Chapitre 3e. Quoique déchu à mes yeux, je voyais toujours Flora, mais j'étais devenu triste et inquiet. Je m'étais résigné auparavant à son amitié. Je sentais maintenant la jalousie enfoncer ses ongles de fer dans mon sein. Je devenais pâle comme la mort lorsque je voyais vos Cressons entrer brutalement dans la chambre de Flora, la cravache au poing, tutoyer cette femme qui me semblait une déesse, et lui imposer ses amis de mauvais ton. J'étais obligé de me contenir pour ne pas le prendre au collet et le secouer par la fenêtre comme une chenille immonde. Mais elle l'aimait. Elle aimait cette rude chaîne qui minait et usait peu à peu ses forces. Je ne pouvais donc songer à la protéger contre celui qu'elle aimait, malgré ses mauvais traitements, comme le chien qui baise la main du maître qui le frappe. Enfin, j'en étais venu à souffrir tellement en sa présence que j'aimais mieux rêver de loin à elle que de m'asseoir à ses côtés. Chaque soir, je rôdais comme un espion dans sa rue. Je restais des heures entières appuyé contre un mur, les yeux fixés sur les fenêtres lumineuses de sa chambre et les lèvres collées à un ruban fané qui s'était un jour détaché de ses cheveux et qui en avait conservé le parfum. Je l'avais dérobé, plus tremblant qu'un filou novice qui volerait une sébile de changeur, lourde de sequins et de quadruples. Pendant que je faisais consister mon bonheur dans cette adoration muette, le Vaucresson, chose odieuse et inimaginable, trompait Flora. Tandis qu'elle l'attendait, le cœur ému d'impatience et d'angoisse, il allait souper avec de vulgaires filles du ballet, très fière d'enlever à la cantatrice son amant entre deux battements de jambes, et qui, sans cet aiguillon de rivalité, n'eût jamais fait à ce cuistre l'honneur d'un sourire ni d'une agacerie. J'ai toujours pensé que vos Cressons se sentaient intérieurement indignes de l'affection d'une âme aussi supérieure que celle de Flora, et qu'humilié de l'élévation des sentiments de sa maîtresse, il en ressentait contre elle une haine sourde et instinctive qui le portait à la torturer par des caprices et des dédains stupides, digne vengeance d'un esprit lâche et mesquin. Explique qui voudra la bizarrerie du cœur des femmes, mais je te raconte ce que j'ai vu, Lucien. Plus Flora craignait de perdre l'amour de cet homme, et plus elle cherchait à le retenir et à le raviver en se complaisant aux sacrifices les plus humbles. Vaucresson étant tombé malade, elle s'installa à son chevet comme une sœur de charité et ne voulut pas souffrir que nul autre qu'elle le soignât jour et nuit. Ni le soin de sa beauté, ni la crainte d'altérer sa santé, ni les exigences de son service à l'opéra, rien ne l'arrêta. Le dévouement de la pauvre fille fut si grand que l'âme froide et sèche de Vaucresson ne put s'empêcher d'éprouver quelques mouvements de reconnaissance et qu'il dit un jour, avec une sorte de surprise naïve, « Mais qu'ai-je donc fait, Flora, pour mériter tant de soins ?»« Tais-toi, » lui dit sa maîtresse en l'embrassant, « je te dois tout, puisque je t'aime. » Lorsqu'il commença à entrer en convalescence, elle loua une petite maison de campagne dans le bois de la Ronce, à Ville-d'Avray, non loin de l'étang, qui fait ressembler le paysage de cet endroit à un gracieux décor d'opéra comique. Jamais elle ne se trouva plus heureuse, car nulle visite de Paris ne venait gâter la paix de son ermitage. Tout le temps qu'elle conserva un peu d'inquiétude sur la santé de son amant, elle redoubla d'assiduité dans ses prières et de largesse dans ses aumônes, car elle espérait, à force de charité et de prières, racheter de Dieu la vie du bien-aimé. Elle se fit adorer de tous les pauvres du village, qui ne se doutaient guère de la source secrète de tant de bienfaits. Une mère lui disait-elle, « Mon enfant garde les chèvres parce qu'il n'a pas de métier. » Flora lui donnait de l'argent pour faire entrer l'enfant en apprentissage et disait au petit gars, « Tu prieras pour le monsieur malade, ainsi que vous, bonne mère. » Aux jeunes filles, elle donnait ses rubans, ses colliers ou ses bagues. Elle offrait au curé un maître-autel en guipure et deux chandeliers d'argent pour son église. Enfin, nul ne s'approchait d'elle sans sortir heureux et en la bénissant, comme une de ces bonnes fées qui changent en or tout ce qu'elles touchent. Un jour, cependant, Vaucresson s'aperçut de ses générosités et en témoigna quelque impatience. « À quoi bon ? » demanda-t-il durement, « ces folles prodigalités. »« À quoi bon ? » répliqua Flora avec un douloureux étonnement. « Mais obliger tous ceux qui nous entourent à t'aimer et avoir soin de toi ?» Vaucresson n'osa pas insister, mais il resta indifférent à cette marque violente de tendresse, lorsqu'il eut dû baiser avec des larmes d'amour les pieds de l'adorable fille. Cependant, lorsqu'il put se promener dans la campagne, il vit les paysans le saluer avec un intérêt mêlé de respect, et les jeunes filles le regardaient avec une vive curiosité, car pour ces braves gens, l'amant ou le mari d'une si belle et si charitable personne ne pouvait être un homme ordinaire. En vain j'essaierai, Lucien, de te raconter tous les détails ingénieux et touchants qui honorent l'histoire de l'amour de Flora. Elle ne pensait plus ni à l'avenir, ni à la gloire, ni à rien. Elle étudiait les regards et l'humeur de Vaucresson. C'était là son unique souci. Elle ne se plaisait à chanter que les airs qu'il aimait, et elle n'eût pas gardé une minute une robe ou un bijou dont son amant eût désapprouvé le choix. Quelques mois se passèrent ainsi. Un jour d'hiver, je me trouvais seul avec Flora au coin du feu. La pluie grésillait contre les vitres. La conversation languissait, comme il arrive souvent entre deux personnes qui n'osent s'avouer librement ce qui occupe le fond de leur cœur. Tout à coup, elle me demanda « N'exposerez-vous rien au salon de cette année, Paul ?»« Rien, » lui répondis-je. « Pourquoi cela ? » reprit-elle avec une sorte d'impatience. « Parce que je n'ai plus de cœur au travail, Annonciade. Parce que j'espérais autrefois dans mon talent et que je n'y ai plus foi. » « C'est un crime de se décourager ainsi, » me dit-elle. Puis, après avoir réfléchi un instant, « Écoutez, Paul, j'ai un service à vous demander. Je dois aller à Londres passer une partie de la saison d'été, et Étienne ne peut m'y accompagner. Vous le dirai-je, j'ai peur qu'il ne m'oublie, et je voudrais lui laisser mon portrait, afin que je ne sois pas tout à fait absente pour lui, afin qu'il soit forcé de penser quelquefois à moi. » Cette proposition me fit battre le cœur. « J'ai cru que je pouvais compter sur vous, Paul. Me suis-je trompé ? Il faudra que nous nous cachions pour accomplir notre projet comme pour faire un crime, » dit-elle en souriant. « Que l'air même ne le sache pas. J'irai à votre atelier en fiacre chaque matin avant la répétition et vous ne recevrez personne tant que dureront nos séances. »« Ne craignez rien, Annonciade, » répliquai-je d'une voix tremblante. « Je serai seul avec vous. » Un instant, j'avais eu la pensée de refuser. Tant il me semblait que ce serait un supplice atroce de faire pour mon rival le portrait d'Annonciade. Quoi ? J'allais épuiser toutes les ardeurs et toutes les forces de mon talent à reproduire cette figure enchanteresse qui resplendissait à mes yeux comme le beau idéal même. J'allais faire briller sur la toile ses yeux qui s'attacheraient sur moi comme deux étoiles souriantes. J'allais exalter mon esprit et enivrer mon cœur de la contemplation de cet ensemble de beauté dont le souvenir troublait déjà ma vie. Et cette œuvre, dans laquelle j'aurais dépensé toute mon âme, deviendrait la chose de M. Étienne Vaucresson ? N'y avait-il pas là comme un sacrilège étrange ? Mais je songeais aussitôt que si je refusais de faire le portrait d'Annonciade, je renonçais au droit de la voir seule, dans mon atelier, chaque jour, pendant un grand mois, d'entendre sa parole douce et familière, de fixer librement mes yeux sur elle, sans qu'elle détournât les siens, et qui sait ? De la forcer à me sourire comme elle souriait à son amant. Je te confesserai donc ma lâcheté, Lucien. J'acceptai avec une joie d'enfant la proposition de Flora. Elle vint dès le lendemain, et lorsque je la vis entrer dans mon atelier comme une jeune et craintive maîtresse, je tressaillis, comprenant tout le bonheur de son amant, qui aurait eu le droit de la serrer dans ses bras, tandis que moi, je ne pouvais l'accueillir qu'en simple ami. Combien j'éprouvais de sentiments contraires lorsque j'écrasais les couleurs brillantes sur ma palette et que je contemplais la Flora dans tout son éclat. Elle rejeta la mante à capuchon qui l'enveloppait tout entière, et je vis apparaître devant moi la Sémiramide, comme si tout à coup la reine babylonienne eût brisé les bandelettes qui la retenaient couchée dans son sarcophage. La couronne ceignait le front magnifique de Flora comme le soleil rayonne dans l'azur du ciel. Le doux Sanzio et voulut peindre la ligne courbe que ses cheveux ondés traçaient sur ses joues d'une chaude pâleur, et tandis que ses yeux étincelaient comme des diamants, sa bouche s'épanouissait dans un radieux sourire. « Vite à l'œuvre, mon peintre !» me dit-elle de sa voix au timbre d'or. « Êtes-vous content de votre modèle ?» Des larmes me vinrent aux yeux, car je désespérais de rendre jamais une si rare perfection. Je maudissais mon peu de talent. À coup sûr, c'est là un des supplices que le Dante a oublié de placer dans les cercles de son enfer, que de sentir son cœur battre en présence d'une femme aimée, d'être enfermé seul avec elle, condamné à la regarder sans cesse, de lui parler et de la voir rester souriante, mais froide, indifférente à vos regards et à vos paroles, distraite et préoccupée d'un autre. Je me demandais par quelle fatalité, moi, plus jeune, plus beau, plus dévoué, plus ardent de cœur et d'esprit que ce beau Cresson, je n'avais pas su plaire comme lui à une femme dont, après tout, la nature délicate et choisie devait sympathiser avec la mienne. Souvent, il me prenait des rages soudaines, des envies de me lever et d'étreindre Annonciade contre ma poitrine, au risque d'attirer sur moi sa colère et son mépris. Mais on eût dit qu'elle devinait ces orages. L'expression de sa figure devenait tout à coup sérieuse et glacée. Je me troublais aussitôt, et baissant les yeux, je reprenais mon pinceau avec une ardeur emportée et machinale. Il me semblait alors qu'une mer immense s'étendait entre nous et me séparait d'elle. J'eus cependant quelques instants de bonheur durant ces séances. Je devais parfois indiquer à Annonciade les mouvements de sa pose, rajuster les plis de sa robe, toucher ses bras et ses mains nues, et je sentais alors des frissons étranges parcourir tous mes membres. Souvent, je cherchais à émouvoir son cœur en lui rappelant les souvenirs de son enfance dans notre cher Bigorre. Ses traits rayonnaient en effet d'une joie pure, et il me disait « Oui, Paul, je veux revoir nos belles montagnes, nos larges horizons. Je veux entendre encore bouillonner le Gave où ma mère me baignait tout enfant. » Ces mots réveillaient tout le passé dans ma mémoire. J'étais tenté de lui tendre la main et de lui dire « Dieu soit loué, quand voulez-vous partir, Annonciade ?» Mais elle reprenait aussitôt « Oui, il faut que je fasse admirer à Étienne le pays où je suis né. Comme nous lancerons nos chevaux au galop le long de ses rampes escarpées, toutes bordées de précipices, oh, je ne lui ferai pas honte, car, s'il est habile écuyer, je suis une vaillante amazone. Je veux aussi, ajouta-t-elle d'une voix grave et triste, tandis qu'un voile sombre éteignait le feu de son regard, je veux qu'il prie avec moi devant le trou aux fées où mon pauvre père a trouvé la mort. » C'est ainsi qu'elle rapportait tout à lui, joie ou douleur, le passé comme le présent et l'avenir. Cependant, malgré mes doutes, mes découragements, mes lenteurs, le portrait de Flora fut terminé. Je dis de Flora, car si j'eusse peint celui d'Annonciade pour moi, j'aurais représenté la belle enfant avec la jupe brune, le corsage rouge et l'unique tresse de cheveux à nœuds de ruban de nos paysannes de Bigorre. Mais Vaucresson, homme vaniteux et commun, devait être plus flatté d'avoir un portrait dans lequel nul ne put méconnaître sa maîtresse, la cantatrice à la mode, sous ses oripeaux de théâtre, que l'image d'une pastour des Pyrénées. Tu sais, Lucien, le succès qu'obtint ce portrait au Louvre, mais ce que tu ignores, c'est combien la Flora et moi payâmes cher cette innocente fantaisie. Le soir même de l'ouverture du salon, j'étais venu remercier la cantatrice de la gloire que j'allais obtenir grâce à elle. Tout à coup, Vaucresson entra comme une trombe dans la chambre, nous regarda tous deux sans mot dire, jeta avec colère son chapeau sur une table et se mit à marcher de long en large en sifflotant un refrain impossible et en faisant carillonner ses éperons sur le parquet. Je jetai les yeux sur Flora. Elle était devenue pâle comme un linge et ses lèvres tremblaient. « Que vous est-il arrivé, mon ami ? » lui dit-elle enfin d'une voix étranglée. « Vous me le demandez ? » répondit brutalement ce personnage en continuant son manège. Puis il enfonça ses mains dans ses poches et vint se planter droit devant elle, la regardant alors dans le blanc des yeux, comme un inquisiteur. « Savez-vous, madame, ce qui fait aujourd'hui le sujet de toutes les conversations au café de Paris ? Ah, vous n'osez pas répondre. Eh bien oui, je viens d'apprendre par mes amis que vous aviez fait faire votre portrait, et ils ont dû rire de mon air étonné en en recevant la nouvelle. Que voulez-vous ? J'ignorais ce que les journaux savent eux-mêmes. Il paraît qu'on ne juge plus à propos de me demander mon avis sur ce qui se manigance ici. » À ces grossières paroles, je croyais que Flora allait enfin sentir son amour-propre de femme offensée et forcer Vaucresson à respecter au moins les convenances. Point. Elle le regarda avec des yeux mouillés de larmes et plus palpitante qu'un passereau dans la serre de l'aigle. « Étienne, balbutia-t-elle, c'était pour vous que j'avais eu l'idée de ce portrait. Je croyais vous faire une surprise qui vous serait agréable. »« Jolie surprise, » répéta le Vaucresson. « C'est-à-dire que vous m'avez rendu ridicule aux yeux de mes amis avec vos sottes cachotteries. Me ferez-vous croire d'ailleurs que c'est pour moi que vous avez fait accrocher votre portrait en plein Louvre, comme si le public ne vous voyait pas assez sur les planches de l'opéra ?» J'étais indigné. Le sang bouillonnait dans mes veines. Je mordais mes lèvres et tordais mes mains pour ne pas éclater. Flora essaya de murmurer « Comme vous êtes injuste, mon ami !» Mais Vaucresson ne l'écoutait pas, la colère empourprait son visage et il grommelait de nouvelles injures. « Bon, vous autres comédiennes, vous êtes toutes les mêmes, avides de bruit, d'éclat, de tapage. Il ne vous suffit pas de prodiguer à cette cohue de pacha qu'on appelle le public vos ardentes œillades, vos plus agaçants sourires, vos épaules et vos bras nus. Il faut encore que vous alliez quêter en effigie l'admiration des porteurs de blouses et de souliers ferrés. Oh, « comme vous me traitez, Étienne !» dit Flora, en croisant ses mains comme une suppliante, la tête penchée vers lui, et avec une expression dont le regard a touché un vieux juge. « Vous savez bien que si vous y aviez consenti, depuis longtemps j'aurais rompu mon engagement, et que je me serais sauvé avec vous dans quelques villes de province. Nous aurions vécu ignorés et heureux. » « Mon Dieu, répliqua-t-il, je ne vous demande pas de Bergerade, mais du bon sens. Qu'il ne soit plus question de ceci. Sachez seulement, une fois pour toutes, que je hais les mystères. » Mais la scène n'était pas finie, et allait, au contraire, devenir terrible. Vaucresson feignit soudainement de s'apercevoir que j'avais été spectateur de cette odieuse querelle, et prenant un air doux et riant, « Mille pardons, mon cher saveuse, me dit-il, de vous avoir fait assister à cette scène de ménage, lorsque je vous devais au contraire des félicitations. Gauthier et Mary m'ont assuré que le portrait de Flora était admirable de dessin, de couleur et de modelé. C'est tout à fait une œuvre travaillée avec amour, et qui a dû vous coûter de longues et nombreuses séances. » Puis s'adressant à la pauvre Annonciade, qui semblait foudroyée, il lui dit, avec un sourire perfide et cruel, « Vraiment, ma chère, vous ne serez jamais assez riche pour payer le prix d'un si beau portrait. » Je me levai soudain, comme si une balle eût sifflé à mes oreilles. Je crus avoir mal entendu. « Qui parle de payer ce portrait ? » m'écriai-je. « Moi ! » répondit Vaucresson d'un ton froid, mais naturel. « Tout travail mérite salaire. » « Je ne suis pas un marchand, monsieur, » lui dis-je, « et je regarderai comme une insulte. » Il m'interrompit. « Vous vivez de votre art, mon cher saveuse. Il n'y a pas de quoi rougir. Mais de quel droit feriez-vous un cadeau si précieux à la chanteuse Flora, qui peut gagner en une soirée tout l'or que vous rapportera à peine un an de travail acharné ?» Mais je sentais l'outrage et le persiflage percé sous l'expression de bonhomie qu'affectait Vaucresson. Je lui rejetai mon gant à la figure si le regard suppliant d'Annonciade ne m'eût arrêté. Je me contentai de répondre avec un sourire contraint. Et je payai à la cantatrice le prix d'éloge qu'elle m'a si souvent donné pour aller l'entendre. « Trêve à cette discussion, » dit alors Vaucresson avec quelque hauteur. « Flora n'a de cadeau à accepter de personne, entendez-vous ? Ainsi, mon cher Apelles, fixez vous-même le prix de ce portrait. On ne marchande pas avec un homme de votre talent. » C'en était trop. Plus il s'efforçait de parler avec l'exquise politesse d'un gentleman, et plus l'ironie devenait sanglante. En vain, Annonciade s'est élevée et me disait à voix basse, « Acceptez, Paul, ou je suis perdu. Faites cela pour moi. Autrement, il me soupçonnera et m'accusera. » Mon cœur se révoltait trop haut contre la prétention outrageante de son amant. Une sueur froide mouillait mon front et perlait à la racine de mes cheveux. « Non, non !» m'écriai-je, insensé de douleur et de colère. « Je garderai plutôt votre portrait dans mon atelier, Flora. » « Vous n'en avez pas le droit, monsieur, » répliqua froidement Vaucresson avec son sourire diabolique et railleur. « Malheureux, » dis-je en essayant de m'élancer sur lui, mais je fus retenu par les mains d'Annonciade qui se cramponnait à mon bras. Vaucresson, qui lissait tranquillement ses manchettes, remit son chapeau sur sa tête et fit siffler en l'air sa mince cravate. « Nous saurons vous forcer, jeune homme, » dit-il en ricanant, « à livrer le portrait et à recevoir nos billets de banque. Je brûlerai plutôt ma toile, » criai-je, ivre d'indignation et de mépris. « Soit, » répondit Vaucresson, « c'est peut-être le meilleur parti à prendre. Pour moi, je vous cède la place ce soir, mon beau monsieur. » Il souleva la portière de velours grenat et disparut, laissant sa maîtresse étouffée de larmes et de sanglots, et moi, debout, délirant de honte. Tu te figures maintenant, Lucien, que cette scène dut dessiller les yeux de Flora sur le compte de ce rustre. Quand je te disais que nous ne connaîtrons jamais le fond du cœur des femmes, même des plus pures et des plus loyales, À peine vos craies sont disparues, je me tournai vers elle et lui dis « Avouez cependant, Nonciade, que cet homme est infâme de lâcheté et de cruauté. » « Non, Paul, il est jaloux. Il m'aime, voilà tout, » me répondit-elle, souriant déjà dans ses larmes. « Ne comprenez-vous pas, mon ami, que ce pauvre Étienne est jaloux de vous, jaloux de mes longues séances dans votre atelier, jaloux de vos assiduités. Au fait, j'ai eu tort de lui cacher notre projet. J'aurais dû deviner que cela lui déplairait. Il faut le plaindre d'être jaloux, car la jalousie fait bien souffrir, et pourtant je ressens presque de la joie, car c'est une preuve de son amour. Que deux fois ne m'a-t-il dit, en effet, que s'il était riche, il me ferait quitter le théâtre. Si vous tenez à mon amitié, Paul, mon frère, venez me voir plus rarement. Et surtout, ne lui gardez pas rancune, ne lui cherchez jamais querelle, car je vous haïrais, et il me serait impossible de vous pardonner. N'est-ce pas que vous ne lui en voudrez plus de ce qu'il m'aime? Jurez-le-moi, Paul, au nom des souvenirs de mon enfance. » Je demeurai, je te l'avoue, stupéfait et consterné en l'entendant m'accuser elle-même, prendre en pitié son brutal amant et m'implorer pour lui. Ce soir-là, je promis tout ce qu'elle exigea et je me retirai la tête perdue. Je restai 8 jours sans aller voir Annonciade et je ne saurais dire comment je vécus pendant ces 8 jours. Le 9e, je rêvais tristement, assis devant mon chevalet, la tête appuyée dans mes mains, lorsque j'entendis gratter à la porte de mon atelier. J'eus froid dans le dos. Je courus ouvrir. Une femme entra couverte d'une mante et d'un voile. Je sentis une commotion au cœur ainsi qu'à l'approche d'un malheur. Elle écarta son voile. C'était Annonciade, pâle, froide comme une morte, se soutenant à peine. « Vous ici? Vous ici ?» lui dis-je en reculant comme si je voyais un fantôme. « Je vous fais peur, n'est-ce pas, Paul ?» dit-elle avec un triste sourire. « Ah, que ne me repoussez-vous, que ne me maudissez-vous, car ma présence est de mauvais augure, et vous devriez moins vous défier d'une vipère que de la femme lâche et cruelle qui vient vous demander aujourd'hui un horrible sacrifice. » « Un sacrifice ? » répétai-je avec un vague effroi. « Vous n'êtes pas revenu chez moi ? » reprit Annonciade, en s'appuyant de la main au chevalet pour dissimuler le tremblement qui agitait tout son corps. Vous avez donc deviné qu'Étienne m'a défendu de vous recevoir ? Il vous a défendu ? répliquai-je. Ah, monsieur Beaucresson me chasse de chez vous, c'est bien. Il est toujours jaloux, continua la pauvre fille en me regardant d'un œil troublé. Je haussai les épaules. Il est jaloux, vous dis-je, Paul. Croyez-moi, je le connais mieux que vous. Ce maudit portrait lui met toujours martel en tête. Il exige absolument que vous en acceptiez le prix. « Et c'est vous, Annonciade, qui venez me renouveler cette horrible proposition ? » m'écriai-je en la regardant avec une douleur profonde. « C'est vous qui venez ainsi humilier celui que vous appelez votre frère ?» Elle baissa les yeux, et j'entendis ses dents s'entrechoquer. « Et si je refuse, continuai-je, si je refuse de m'habiller aux yeux de M. Étienne Beaucresson et aux miens, quelle nouvelle exigence voudra-t-il m'imposer ? » ?»« Ne me le demandez pas, mon ami. » dit la pauvre femme en tombant affaissée dans un fauteuil. « Non, je ne vous le dirai point. J'étais folle de me croire assez lâche pour vous demander un si odieux sacrifice. Vous ne me devez que des tourments et des douleurs jusqu'à ce jour, et je ne peux pas vous être plus longtemps funeste. Soyez heureux, Paul, et laissez-moi dans ma misère. Vous avez souffert en m'aimant. Que la gloire, du moins, vous console. Ce n'est pas à moi, misérable femme, qui torture votre cœur, à vous arracher encore cette consolation. Non. Qu'Étienne me quitte s'il veut, qu'il m'abandonne comme il m'en a menacé, ajouta-t-elle avec un cri d'angoisse qui m'épouvanta, mais je ne lui obéirai pas. Je ne parlerai pas au peintre Paul Saveuse, comme le bourreau parle au condamné. Ses yeux s'égaraient, sa respiration était entrecoupée. Je ne comprenais pas encore, mais mon effroi grandissait. Calmez-vous, Annonciade, je vous en supplie, lui dis-je. Mais que peut donc exiger de plus odieux et de plus étrange, monsieur Beaucresson ? Oh, pardonnez-moi, Paul, car je vais vous faire honte et horreur, dit-elle en pressant mes mains dans les siennes. Mais il prétend que vous lui avez proposé de brûler mon portrait. Je me dégageai de son étreinte, et enfonçant mes doigts dans mes cheveux hérissés comme si je sentais ma raison près de vaciller. Brûler votre portrait, Annonciade ? répétai-je d'une voix qui n'avait plus rien d'humain, et j'éclatai aussitôt d'un rire convulsif. « Oh !» me dit-elle, en se laissant tomber à genoux devant moi, « je sais bien que c'est impossible, Paul, et je le lui ai dit. Brûlez ce portrait, votre chef-d'œuvre, cette toile qui vous a fait déjà un nom glorieux, qui vous a placé parmi les maîtres, mais ce serait de la folie et du délire. D'ailleurs, je ne le souffrirai pas, croyez-le bien, Paul. Étienne a voulu que je vinsse vous demander cela. J'ai refusé d'obéir, mais il m'a traîné jusqu'à votre porte. Je savais bien, moi, que c'était inutile, que c'était honteux, que c'était criminel de venir dire à un grand artiste « Brûle l'œuvre de ta pensée, de tes mains et de ton cœur. » Mais je n'ai pas osé avouer à Étienne que vous m'aimiez, Paul, et que je le savais, et que dans ce portrait vous n'aviez pas mis seulement tout votre génie, mais toute votre âme. Oh, Paul, chassez-moi, car je sens bien que ma conduite est indigne et vile, mais je vous le répète. Étienne m'a juré qu'il me quitterait si je ne lui obéissais. Je n'ai pu supporter cette pensée et je suis venu. Te dire ce que j'éprouvais en voyant pour ainsi dire ramper à mes pieds la belle Flora serait impossible. J'étais écrasé de stupeur. Oh, Vaucresson avait bien choisi sa vengeance. Le délire tourbillonnait dans mon cerveau, mais je sentais confusément que le bonheur d'Annonciade était en jeu sur ma résolution, que ma générosité seule l'avait fait hésiter à me demander le sacrifice du portrait, qu'en refusant, je brisais son cœur et sa vie, car l'abandon de son amant serait la mort pour elle. Cependant, je dois le reconnaître à son honneur, la noble fille se releva, tandis que je restais immobile et silencieux à la regarder vaguement. Elle rajusta sa mante et son voile, s'avança vers la porte avec calme, quoiqu'un secret frémissement parcourut tout son corps, et me dit d'une voix douce et résignée, « Adieu, Paul. » Cet accent miséricordieux me fit tressaillir, comme si ces paroles fussent sorties des lèvres d'une agonisante. Je vis que la pauvre fille avait peur, car Beaucresson l'attendait sans doute au bas de l'escalier, et il allait lui demander compte de notre entrevue. Que pourrait-elle répondre ? J'aimais trop Annonciade pour mettre un instant en balance avec son honneur la gloriole d'un succès fugitif. Depuis longtemps, l'amour avait tué en moi le peintre. Je la laissais aller. Puis, quand elle eut descendu l'escalier, je lui criai sans la regarder. « Je brûlerai votre portrait, Annonciade. » Puis, je rentrai précipitamment dans l'atelier et j'enfermai la porte. Je tins ma promesse, Lucien. Ce portrait de la chanteuse Flora, l'honneur du salon, mon chef-d'œuvre, ma dernière toile, fut brûlé en présence de deux amis de M. Étienne Vaucresson. Je craignais qu'il ne se fiât pas à ma parole. Ce fut à cette époque que je quittai mon atelier et disparus du cercle insouciant et joyeux de nos camarades de la Bohème, comme un vaisseau qui sombre sous une lame monstrueuse, pour aller cacher mon désespoir et ma honte dans une pauvre maison d'un faubourg éloigné.